devant moi, pas d'idée, ça va pas. C'est un vrai calvaire, pour moi c'est l'enfer. Le temps passe, j'écris pas, c'est affreux, je comprends pas. Je n'ai rien écrit, pas une seule connerie. Pas d'idée.